بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة، وأنا والله والله أجتهد فيه وأبذل وسعي فيه هنا من أجل تصفية الدعوة والبعد عن الأهواء. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. شرح منظومات البيقونية في علم الحديث للعلامة طه ابن محمد بن فتوح البيقوني رحمه الله تعالى. Cours dispensé en direct de InSpeak par Abu Yusuf Abdullah Al-Aji حفظه الله. Cours numéro 1. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته من تبع ثارهم واكتفى. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على أنعمه ورمسي الله عز وجل abondamment de ces énormes bienfaits dans lesquels on s'épanouit jour et jour. On ne se sera jamais assez de remercier Allah subhanahu wa ta'ala des nombreux bienfaits qu'il donne à ses ibad. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. ثم, avant d'entamer le muqaddima, la préface de la série de cours qui sera relative à la science du hadith, et plus précisément autour du livre de Sharh al-Bayqouniyya, le poème qui a été écrit et mis en avant pour les débutants de la science du hadith, on va faire précéder cela à une petite nasiha qui se doit d'être faite vu l'actualité qui tourne autour de nous, surtout au Yémen. فَإِنَّهُ لَا يَخْفَى عَلَيْكُمْ حَدِيثَ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رضي الله عنه عند الإمام البخاري عليه رحمة الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقون ربكم. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, dans ce hadith qui ne nous est pas indifférent, bien connu inshallah pour la majorité d'entre nous, lakin c'est min bab al-dhikra, le rappel, wa kama qala Allah subhanahu wa ta'ala fadhakkir fa inna al-dhikra tanfa'u al-mu'minin. Il rappelle car le rappel, il est profitable aux croyants, même si jamais c'est une chose qui peut-être rien n'est connu parmi, yani auprès de ces croyants-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari selon Anas ibn Malik radiyallahu an, nous informe que plus nous avançons dans le temps et plus le mal s'amplifiera dans les sociétés, comme قال عليه الصلاة والسلام. Ce hadith ayyuha al-ikhwatu al-kiram, il est une preuve formelle parmi tant d'autres, parmi les preuves qui ne font qu'appuyer la véracité de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Wa kama qala Allah subhanahu wa ta'ala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne prononce pas sous l'effet de la passion. Ses paroles ne sont qu'une révélation qui lui sont révélées. En effet, voilà maintenant plus de 14 siècles, plus de 1400 années que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam il nous a informé à prononcer ces paroles-là, dans lesquels il nous a informé de certaines circonstances qui se dérouleront dans le futur, dont chacun d'entre nous peut, dans ce siècle-là, en témoigner de la réalité du dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car on vit, wa hadha la yakhfa ala al-jami', on vit dans une époque où le mal il est présent دائماً وأبداً. Il s'amplifie de jour en jour, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Le muslim n'est sorti d'une difficulté sans qu'il ne soit présenté à être confronté à des difficultés qui sont encore beaucoup plus dures à endosser. وَذَا مِسْدَقُ قَوْلُهُ صَلَى اللَّهُ سَلَّمُ لَا يَأْتِي زَمَنْ إِلَّا وَلَذِي بَعْدَهُ شَرٌ مِّنْهُ حَتَّى تَلْقُونَ رَبَّكُمْ. Plus on avance et plus le mal s'amplifie. وَنَسْأَلُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الثَّبَاتِ وَالسَّلَامِ وَالسَّلَامَةَ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. Car nous vivons, ayyuha l'ikhwa, dans une époque où l'islam, kama la yakhfa alaykum, il est attaqué de tous côtés, de l'intérieur comme de l'extérieur. Peu sont ceux qui secourent véritablement l'islam de la manière dont Allah subhanahu wa ta'ala, son prophète, alayhi salatu wassalam, il l'aime et l'agrée. Et lorsque tu ajoutes à cela ceux qui ont délaissé le dépôt et la charge qui leur ont été donnée quant au fait de propager la science, quand tu vois ces personnes-là troquer cette faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donnée pour une part, parmi les parts de la vie d'ici-bas, pour préserver leur randonneur, leur honneur et l'akhirah, ceci ne fait qu'ajouter aux mu'mines gêne sur gêne et embarras sur embarras et tristesse sur tristesse. Lakin alhamdulillah, quelles qu'en soient les situations, l'affaire du mu'min qui a maqala le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est étonnante. Car son affaire comme maqala le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quelles que soient les situations, elle est en sa faveur. Toute en intégralité, elle est un bien pour ce mu'min qui a maqala le Nabi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Rajaban li amri mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. إن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له وإن أصابته سرا شكر فكان خيرا له وليس ذلك لأحد غير المؤمن. رواه مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه. Dans ce hadith là authentique rapporté par l'imam Muslim, le Nabi صلى الله عليه وسلم nous fait part que étonnante est l'affaire du mu'min, car son affaire est en toute intégralité un bien pour lui. Si jamais un bien le touche, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala, il est reconnaissant, et ceci est bien pour lui. Si jamais un mal, une difficulté le touche, il fait preuve de patience, et ceci, kazalika, c'est un bien pour lui. Et ces choses-là n'est accordée qu'aux véritables croyants. Telle est l'affaire des mu'mines, comme qu'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Quelles qu'en soient les circonstances, la difficulté ou bien la facilité, son affaire, incha'Allah, elle aboutit à un bien. Fa'alayna ma'ashara ahl sunnati والجماعه بالصبر والتحمل. Donc on se doit, notamment nous qui s'affilons à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, faire preuve de patience et d'endurance dans le siècle qu'on vit et dans naham les fitan dans lequel on vit jour et nuit. Et le fait de faire preuve de patience dans ces moments embarrassants, dans ces moments difficiles, c'est la voie du salut, c'est la voie par laquelle ou à laquelle appelle le Coran. Comme dit Allah subhanahu wa ta'ala wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilu s-salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah subhanahu wa ta'ala jure par le temps que l'humanité entière est dans la perdition, excepté ceux qui ont cru, œuvré en bien et se sont endurés la vérité, ou plutôt se sont endurés dans la vérité mutuellement, et kadhalika dans l'endurance. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a exempt ces personnes-là de la perdition. Donc alayna, si jamais on veut connaître la voie du salut et rejoindre les hautes demeures, on rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala saint et sauf de ses fitan, de faire preuve de patience et kadhalika de faire preuve d'endurance et de s'exhorter les uns les autres dans le bien. Kama hatha ala dhalika al-Qur'an, kama hatha ala dhalika Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque Az-Zubayr ibn Adi alayhi rahmatullah, il est venu se plaindre à Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu du tort que le faisait subir le gouverneur injuste, ce criminel qui était Yusuf ibn al-Hajjaj, et ce que Anas ibn Malik leur a répondu ou bien les a exhortés par rapport à la situation dans laquelle ils étaient, de se rebeller contre ce gouverneur ou bien de manifester ou bien de réclamer leurs droits ou bien leurs colère, t'as même coupé les routes aux innocents Non, il a fait rien de cela, excepté que de leur enjoindre la patience, comme l'a enjoint Allah Azzawajal dans le verset précédemment cité. فَقَالَ اسْبِرُوا لَا يَأْتِي زَمَانٍ إِلَّا وَالَّذِي بَعْدَهُ شَرُّ مِنْهُ حَتَّى تَلْقُوا رَبَّكُمْ رَوَهُ الْبُخَارِي. Dans ce hadith qui a été cité précédemment, Anas ibn Malik leur a enjoint dans les moments difficiles, dans les moments où les gens de l'époque dans laquelle tu vis sont de plus en plus pervertis, de faire preuve de patience, que ce soit avec le peuple ou bien avec les gouverneurs. Que ce soit avec le peuple ou bien avec les gouverneurs. Telle est la doctrine des gens de la sunna. La doctrine, l'aqidah de la sunna wal jama'a, avec les gouverneurs et kadhalika avec le peuple dans les moments difficiles. C'est-à-dire de faire preuve de patience et de s'isoler de tous ces groupes égarés. Les gens de la sunna, ayyuhal ikhwatul karam, ils ne doivent pas être attentifs, inattentifs plutôt, face à cette grande valeur qu'est cet enseignement auquel a fait part Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu à ce noble tabi'i qui est Zubair ibn Adi, lorsqu'il s'est plaint de l'injustice qu'il subissait de cet injuste gouverneur qui était Yusuf ibn al-Hajjaj, c'est-à-dire de faire preuve de patience. Cette valeur, c'était un grand enseignement et une doctrine parmi les doctrines qu'on ne doit pas faire part d'inattention, surtout dans ces moments-là dans lesquels où les fitaines elles y s'amplifient de jour en jour, comme on peut le constater. Faire preuve de patience dans ces moments-là est la voie du salut jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite une issue favorable afin de te voir sorti de la difficulté dans laquelle yani tu es plongé dans ton époque. Car regardez le cas 1 et la gêne qui en découle lorsque ce précepte-là il est violé. Lorsque tu ne fais pas preuve de patience dans les moments de difficulté et surtout lorsque l'injustice vient du gouverneur. Regardez les gens aujourd'hui, mathalan, comme c'est le cas, yani ce qui se passe yani par rapport à l'actualité du Yémen, la conduite yani qu'observent les gens face au gouverneur, même s'il est injuste. Ils prétendent, par leur manifestation, par leur kadhalika, leur désobéissance, yani établir la justice, alors qu'ils sont loin des voies par lesquelles s'établit la justice. Tu les vois se rebeller, couper les routes, gêner les autres, les innocents, semer le trouble et l'anarchie, ils manifestent et autres, yani parmi les causes qui ne sont pas agréées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala ni son messager. Pour une simple hausse d'essence, voici le peuple qui justifie maintenant sa rébellion, sa sortie contre le hukam, alors qu'ils ont pu voir qu'auparavant, ça n'a pas porté de fruit. Ils sont sortis contre le gouverneur précédent et ça n'a pas porté de fruit. Ça a plongé le Yémen dans le chaos jour après jour. Mais, qaddarallahu ma shaa fa'al, ça n'a pas servi de leçon à certaines des personnes et surtout à ceux qui ne font qu'exécuter les ordres afin de pervertir les musulmans de l'intérieur, comme c'est le cas du groupe d'égaré mécréant qui a pour slogan la haine contre l'Amérique et les Juifs et la religion, alors que ce sont les exécutants et les agents des ennemis de l'islam dans les terres de l'islam. Le remède, ayyuhal ikhwatul karam, car on souhaite par cela faire triompher la vérité afin de se désavouer de ce qui se passe yani, en ce moment au Yémen, afin que les gens de la sunna ont les mains blanches et que les gens savent, même s'ils le savent, laquelle on répète que la doctrine des gens de la sunna face à ces genres de situations, c'est s'isoler des groupes égarés et de patienter face à l'injustice de ton gouverneur et lui faire preuve d'obéissance dans le convenable et lui prêter oreille et yani, du mieux possible, même s'il prend tes biens, te torture et te frappe le dos, comme l'a évoqué le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Car même si jamais le gouverneur il te fait subir l'injustice, il te pille tes biens, il te frappe et il te fait subir l'injustice, même si jamais le fait de patienter, peut-être que ça ne veut pas, il y en aboutira forcément à ce qu'il devienne juste après cela, là qu'il néanmoins ça ne va pas amplifier le mal dans la société. Car s'il est injuste, il sera injuste envers toi-même. Si tu te rebelles contre lui, tu te rebelles et tu ouvres les portes du mal à tes frères et surtout à la société, comme on a pu le voir et le constater à travers ce qu'ils ont appelé le printemps arabe, lorsqu'ils ont exhorté les peuples arabes à sortir contre leur gouverneur. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne connaît pas un gouvernement parmi les gouvernements auxquels les gens sont sortis contre eux, qui a trouvé les fruits de sa sortie contre le gouverneur. Abadan. Al-Mu'min, dans ce genre de situation-là, lorsqu'il subit l'injustice de son gouverneur, comme l'a exhorté le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alayka bis-sam' wa ta'a, wa in akhadha malak wa daraba dhahrak. Tamam, tu dois faire preuve d'obéissance et prêter l'oreille dans le convenable du mieux que tu peux à ton gouverneur, même si jamais tu subis l'injustice de cette personne-là. Et sachez un jour que, comme l'a dit Cheikh al-Islam, plutôt Cheikh al-Uthaymin alayhi rahmatullah, qu'il faut faire preuve de patience et ne pas oublier que, même si jamais ton droit ne sera pas donné par rapport à l'injustice que tu auras subie dans la vie d'ici-bas, lakin, il ne faut pas oublier qu'un jour, toi et ce gouverneur, vous serez amenés à vous tenir debout devant Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le plus juste des juges, ahkamul hakimin, et en ce jour-là, tes droits te seront rendus. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la dhulma al-yawm. À ce jour, na'am, on donnera la rétribution à toute personne par rapport à ce qu'il aura récolté, et aucune injustice sera faite. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, adh-dhulmu dhulmatun yawm al-qiyamah, comme fi hadith Jabir an Muslim. L'injustice est une obscurité yawm al-qiyamah. Donc le mu'min, face à ce genre de situation, il fait preuve de patience et attend ce jour-là où Allah subhanahu wa ta'ala va juger du meilleur jugement et il récupérera le bien que lui a privé le gouverneur qui était injuste envers lui. Amma dans la vie d'ici-bas, c'est sam wa ta'a. Tamam, c'est sam wa ta'a bil ma'ruf. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa alihi sallam. N'am. Tu vois les peuples n'am, se rebeller face à leur gouverneur, manifester leur mécontentement et l'akhirihi, ils recherchent soi-disant la résolution des problèmes, alors que le problème il n'est pas plus loin qu'au fond des poitrines de ces personnes-là et de leurs mauvais actes. Comme a dit le Cheikh al-Uthaymin, alayhi rahmatullah, dans son charge de Riyad al-Salihin, lorsqu'il a évoqué le hadith de Anas ibn Malik, « La yati zaman illa waladhi ba'dahu sharrumin » Il nous dit, lorsque tu vois un gouverneur faire de l'injustice, être injuste avec son peuple, il dit, tu trouveras et tu verras que la base du problème et la base de cette injustice qui est subie par ces personnes-là n'est pas vraiment, yani, à la base, ne vient pas du gouverneur, là qu'il vient de la déviance du peuple. Il dit, ce sont les péchés et la déviance du peuple qui sont la cause de l'injustice qu'ils subissent sur eux. وقال الله سبحانه وتعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون بما كانوا يكسبون. Et c'est ainsi que nous accordons à certains justes l'autorité sur d'autres injustes à cause de ce qu'ils ont acquis. Telle est la parole d'Allah سبحانه وتعالى ومن أصدق من الله قيلا. Cette aya là nous prouve bien que l'injustice, lorsqu'elle est subie, va pas voir le problème et pointer du doigt la personne qui est en face de toi en disant que c'est toi le problème. Regarde comment t'es avec Allah Azzawajal. Regarde tes œuvres. Peut-être que c'est toi et cette déviance qui est une cause parmi les causes que tu subis par Dazal et Kaesh de l'injustice. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلْ. Et tout malheur qui vous touche ne sont que les fruits de ce que vos mains ont avancé. Donc pourquoi chercher l'erreur chez le gouverneur alors que la cause Naam de toutes ces choses-là, elle vient peut-être du peuple. Et Naam, yani kama qala al-Sheikh al-Uthaymin alayhi rahmatullah. Hatta il a rapporté une qissa ajiba. Il nous dit que certains des gouverneurs qui étaient de la descendance de Naam Bani Umayya, qui lorsque leur peuple Naam, ils l'ont critiqué leur gouverneur, et ça, le gouverneur c'est pas un malak, c'est pas un ange. C'est quelqu'un qui c'est comme toi qui se trompe. Et qui peut avoir raison et qui peut avoir tort. C'est un homme qui peut avoir raison et qui peut avoir tort. Lakin baynana wa baynahu tajri an-nasiha. Ce qu'on doit pour remédier à cette injustice ou bien à l'erreur du gouverneur, c'est de faire passer la nasiha. Que la nasiha, elle circule entre toi, le gouverneur, et non pas directement de sortir contre lui. Comme si jamais c'était toi, l'homme juste qui va pouvoir régler la situation alors que tu n'es même pas capable peut-être yani, gérer ton foyer. On ne parle pas de gérer un peuple, on parle de gérer juste ta famille. Est-ce que tes fils font la salat? Est-ce que tes filles portent le hijab? Tu veux changer le peuple, mais tu n'es pas capable de changer yani, ceux qui sont derrière la porte de la cuisine. Yani, hajaban. Pour revenir à la qissa, lorsque c'est le peuple, ils ont critiqué certains des gouverneurs de Bani Umayya. Ces gouverneurs-là ont dit très certainement, vous aurez souhaité que, très fortement, yani que nous soyons des gouverneurs à l'image de Abu Bakr ou Omar. Ces personnes-là ont dit, bien sûr, c'est ce qu'on souhaite, effectivement c'est ce qu'on souhaite, que vous soyez des gouverneurs à l'image d'Abu Bakr ou Omar. Ces gouverneurs-là leur ont répondu, si vous voulez qu'on soit à l'image d'Abu Bakr et Omar, soyez-vous à l'image du peuple qui était sous l'autorité de Abu Bakr ou Omar. Et ainsi, Inch'Allah, on sera à l'image des gouverneurs tels que Omar ou Abu Bakr. Tout ça pour nous dire que chercher le problème, c'est commencer déjà par s'assainir en premier lieu, au lieu de voir le mal chez les autres. Et ça, c'est ma'rouf et c'est mulahab. Chez certains du peuple des Yéménites, tu les vois mutashabbihan bil kuffar. Tu les vois s'identifier au kuffar, être un peu loin de l'islam et vouloir changer le monde. Non, c'est pas comme ça. Change-toi awalan et ensuite, inshallah, tabarak wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla vous fera miséricorde en vous mettant un gouverneur qui est à l'image de vos personnes-là. Mais si jamais vous êtes loin de votre dîn, on va vous mettre des gens qui seront injustes et loin kadhalika du dîn afin de vous rétribuer de l'injustice que vos mains ont avancée. وكذلك مما نتواصى في هذا المقام parmi les choses qu'on s'enjoint les uns les autres dans ces moments-là c'est l'iqbal à Allah subhanahu wa ta'ala wa 'ala al-'ibada wa at-tamassuk bis-sunnah, c'est le fait de se dévouer à l'adoration d'Allah azza wa jalla et de se cramponner à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam comme l'a exhorté le prophète alayhi salatu wassalam كما قال في الحديث الصحيح من حديث العرباد بن سارية rapporté par Tirmidhi et authentifié par un grand nombre de muhaddith, annahu qala fil hadith innahum man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira, c'est quoi le remède? Fa alaykum bi sunnati. Dans ce hadith là il est dit, celui qui vivra verra des nombreuses divergences. Et ensuite le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a donné le remède et la résolution pour pouvoir se prémunir de ces nombreuses divergences. Fa qala alaykum bi sunnati, tamam, yani impliquez-vous à ma sunna, accrochez-vous à ma sunna wa sunnat al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di, ainsi qu'à la sunna des califes qui n'est que la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Plus ton époque et plus les gens de ton époque sont pervertis, et plus le musulman, le mu'min, il se doit de montrer beaucoup plus de fermeté et être beaucoup plus cramponné à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que jamais. Car telle est la voie du salut et la voie empruntée dans les moments de fitan, comme l'a exhorté le prophète alayhi salatu wassalam, fa alaykum bi sunnati, tamam, cramponnez-vous à ma sunna dans ces moments où vont abonder les divergences parmi les musulmans, et comme c'est le cas, la takad tara al-mu'minina muttafiqina fi shay, peu s'en faut que tu vois les musulmans être d'accord sur une chose. Al-ikhtilaf kathir, c'est quoi le remède? At-tamassuk bi sunnah. Car la sunna, elle n'a pas de contradiction à l'opposé des points de vue sur lesquels se cramponnent ces gens-là, qui ne font que ouvrir et aboutir à ces nombreuses divergences que l'on peut observer dans les sociétés musulmanes et autres. Retourner à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam dans ces moments-là, c'est très important, yalikhwa. Le fait d'ici cramponner, kadhalika, c'est une chose qu'on s'exhorte, yani, très fortement. Car le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam a dit, comme dans le hadith Ma'qal ibn Yasir, alladhi rawahu l'imam muslim, faqala alayhi sallatu wassalam, al-ibadatu fil hajr ka hijratin ilayya. La dévotion dans l'adoration d'Allah azza wa jalla, ou plutôt dans la ibadah, dans les moments d'épreuve, dans les moments de fitan, dans les moments où le meurtre s'amplifie, comme c'est le cas dans l'époque dans laquelle on vit, le fait de revenir à Allah Azza wa Jal dans ces moments difficiles, c'est semblable à La hijra ila Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme si tu es émigré vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'ont fait les compagnons lorsqu'ils ont fui la tyrannie et la difficulté qu'ils subissaient dans les contrées, dans les villages dans lesquels ils étaient, afin de se préserver, de préserver leur dîn. Donc le fait de revenir à Allah Azza wa Jal en adorant par sincérité, même par dévotion et abnégation, c'est la chose qu'il faut observer, surtout dans les moments de fitan. Et par ce biais-là, tu te verras semblable aux personnes qui ont immigré vers le Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour prémunir leur religion. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم أنه قال بادر بالأعمال بادر بالأعمال فتنة كقطع الليل مظلمة يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. عليه الصلاة والسلام, le prophète dans ce hadith authentique nous dit que, ou plutôt nous exhorte fortement à s'empresser vers le fait d'œuvrer en bien, vers le fait de se dévouer à l'adoration d'Allah Azza wa Jal avant que nous rattrape ces fitanes-là et qu'elles soient un empare entre nous et la ibada, nous empêchant de pouvoir se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans les moments de fitan, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il faut s'empresser de se dévouer à l'adoration d'Allah Azza wa Jal, car comme l'a qualifié le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces fitanes-là sont obscures telles les ténèbres de la nuit, dont seuls ceux dont Allah Azza wa Jal donnera la lumière par laquelle ils se verront trouver l'issue favorable et ils pourront s'en sortir. Et celui dont Allah Azza wa Jal il ne donne pas de lumière, il n'aura pas de lumière, notamment pour se guider dans ces moments et dans ces fitaines qui sont plus obscures que les ténèbres de la nuit. Donc telle est la voie empruntée dans ces moments de fitaines comme dans lesquels on vit, s'isoler des causeurs de troubles et se dévouer à adorer Allah Azza wa Jal par sincérité et n'aram par amour. Et parmi les meilleurs actes pour cela, c'est atalab al-ilm, le chemin qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis ou a inclus dans ce chemin-là la facilité pour pouvoir se prémunir des fitanes de la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Il y a un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a certes dit huffat al-jannat bil-makari, le paradis parsemé de difficultés. Et la voie par laquelle tu te vois faciliter l'entrée du paradis, c'est atalab al-ilm, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de voie plus simple te rapprochant d'Allah Azza wa Jal et des hautes demeures que cette voie-là qui est l'étude de la science, comme a dit alayhi sallam. Man salaka tariqan يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَحَّلَ اللَّهُ لَهُمْ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. Celui qui emprunte un chemin pour étudier la science shari'i, la science légiférée, la science religieuse, Allah Azza wa Jal, il lui facilitera un chemin dans la vie d'ici-bas pour pouvoir se rapprocher des demeures de l'au-delà. Pour pouvoir se rapprocher des demeures de l'au-delà. Et le fait de s'écarter du talab al-ilm, et notamment dans ces moments de fitan, c'est de voir te mettre à toi-même des difficultés par-dessus les difficultés dans lesquelles tu vis. Et l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, il a dit ma a'lamu an-nas al-yawm fi zamani ahwaj minhum ila talab al-'ilm ou ila talab al-hadith min hadha al-zaman. Qila limadha? Qala li'anna al-bid'a qad kathurat faman lam yakun 'indahu hadith yaqa' fihi. Al-imam Ahmed alayhi rahmatullah, ce grand imam qui a très certainement cerné l'importance et la valeur du talab al-ilm et la prévention qu'il y a dans le fait d'étudier afin de se prémunir des fitanes de la vie d'ici-bas, a dit, alayhi rahmatullah, je ne connais pas une époque dont les gens sont plus dans le besoin d'étudier le hadith que l'époque dans laquelle on vit. Il lui a été dit parmi les proches, parmi les personnes qui étaient auprès de lui, pourquoi dis-tu cela? Car il dit, les innovations sont de plus en plus apparentes. Et celui qui n'étudie pas le hadith, c'est-à-dire le ilm, ils employaient le mot hadith pour le ilm, et celui qui n'étudie pas le hadith, il tombera dedans. C'est-à-dire, dans les fitan. Il tombera dans les fitan et dans les difficultés et dans les bid'a. Car il ne pourra pas se prémunir et avoir la science qui pourra lui donner le discernement entre le faux et la vérité, et qu'à cette lumière par laquelle il se verra éclairé dans les ténombres de ces fitan-là. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ces fitan qui sont semblables à la ténèbre, aux ténèbres de la nuit. Donc observez comment l'imam Ahmed alayhi rahmatullah, il a jugé l'importance d'étudier, notamment dans les moments où les fitan sont de plus en plus importantes et se multiplient de plus en plus et sont de plus en plus apparentes. Car l'étude de la science est une prévention contre l'égarement. Étudier, c'est se prémunir de l'égarement. Et ajouter à cela, comme l'a dit l'imam Az-Zuhri, alayhi rahmatullah, non seulement tu t'es prémuni de ces fitan et ces difficultés, et kadhalika, tu trouves une douceur, et na'am, tu te prémunis des difficultés, et kadhalika, tu trouves un épanouissement et un réjouissement lorsque tu te rapproches d'Allah Azza wa Jal par cette ibada, cette énorme ibada qui est talab al-ilm. قال الإمام الزهري عليه رحمة الله ما عبد الله بشيء مثل الفقه. Je ne connais pas une dévotion dans l'adoration qui soit semblable à l'étude de la science. كما قال عليه رحمة الله. Car comme يعني, certaines personnes ils peuvent le constater, العلم, c'est ton ami intime dans les moments les plus difficiles, dans les moments de solitude. Il ne te lâche pas, il ne te trahit pas, c'est toi qui le trahis. Il t'appelle aux portes du bien et afin que tu te prémunisses des choses qui te seront nuisibles dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et il est ta lumière dans l'obscurité des fitan parmi les shubuhat wa shahawat. Et certains des ulama, ils ont dit, comme c'est le cas, nasit Allah ala kulli hal, que la vie d'ici-bas, elle a ses paradis. Quiconque y pénétrera oubliera les angoisses de la vie d'ici-bas. Quel est ce paradis? Les assises de Talab al-Ilm, les assises scientifiques dans laquelle il a évoqué le nom d'Allah Azza wa Jal et le nom du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, et dans lequel il est intentionné de lever l'ignorance sur soi et sur ses proches. Cheikh Muqbil alayhi rahmatullah, il dit dans la muqaddima de son livre Sahih al-Musnad, il dit, lorsque jour je me mets à ouvrir les livres comme les recueils d'un imam muslim, alayhi rahmatullah, j'oublie toutes les angoisses de la vie d'ici-bas. Lorsque j'ouvre le livre de l'imam muslim et que je me mets à lire dans les chaînes de transmission du livre de Muslim al-Bukhari, j'oublie tous les soucis et tous les problèmes de la vie d'ici-bas. Car comme ils ont dit les ulama, talab al-ilm, pour celui qu'Allah Azza wa Jal lui a mis la douceur dans ce cœur, il va trouver un épanouissement et une chose par laquelle, même si jamais c'est le plus malheureux, yani au niveau financier, il trouvera un réjouissement et un épanouissement que peut-être les plus fortunés de la vie d'ici-bas, ils ne trouveront pas. Comme a dit l'imam Al-Hassan Al-Basri, alayhi rahmatullah, innana la fi ni'matin law 'alamuha al-muluk la jaladuna 'alayha. On est dans une ni'ma, si jamais les grands d'ici-bas, les rois de la vie d'ici-bas, ils savaient juste yani le degré d'épanouissement dans lequel on était, ils nous auraient certes fouetté pour s'emparer de ce bienfait-là et de cette ni'ma afin que eux, kadhalika, ils s'épanouissent. Qu'est-ce qu'il veut par là? Est-ce que c'est les dollars? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est la renommée? Est-ce que c'est la richesse? Là, rien de tout ça. C'est qala Allah, qala Rasul, haddathana, haddathani, talab al-ilm al-aqidah. C'était ça leur jardin, alayhim wa rahmatullah. Kadhalika, Cheikh Yahya, alayhi rahmatullah, ou plutôt hafidhahu Allah ta'ala, lorsque la difficulté s'est aggravée pendant le troisième hissar, si on peut l'appeler comme ça, le troisième hissar, le gros hissar, le dernier par lequel on est sorti de Dammaj, il disait, nous on veut rien d'autre que talab al-ilm. Laissez-nous tranquilles. Prenez vos dollars, prenez votre richesse, prenez les bienfaits de la vie d'ici-bas. On n'en veut pas. Nous, tout ce qu'on veut, c'est apprendre talab al-ilm. Et on demande à Allah Azza wa Jal, comme kana yaqul Cheikh Yahya hafidhahu Allah ta'ala, qu'Allah Azza wa Jal, il ne nous dévie pas de cette ni'ma-là qui est quoi? D'étudier et de s'instruire dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment pouvoir ou vouloir se détourner de ce chemin-là, alors que Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, man yuridillahu bihi khayran yufaqqihu fid din. Celui dont Allah Azza wa Jal veut un bien, il facilite la compréhension de la religion et kadhalika pour pouvoir l'appliquer. Tel est le bien de la vie d'ici-bas, yu'alai khatun karam, c'est le fait de se réunir dans ces mêmes assises dans lesquelles on espère et on souhaite avoir l'intention de lever l'ignorance sur nous et sur autrui dans ces petits jardins dans lesquels on s'épanouit et on oublie les moments et les angoisses de la vie d'ici-bas. et les troubles que font subir les autres, ou plutôt les uns aux autres. N'as-t-il Allah subhanahu wa ta'ala أن يحسمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن وكذلك كان تواصح آخرا on s'exhorte et on s'enjoint, on se recommande les uns les autres. La parole de l'imam Ibn Mubarak عليه رحمة الله lorsqu'il dit ما من شيء أفضل من طلب العلم لله عز وجل وما من شيء أبغض إلى الله من طلب العلم لغير الله. Il dit, je ne connais pas une chose qui soit meilleure que l'étude de la science, surtout lorsqu'elle est vouée pour Allah subhanahu wa ta'ala, et je ne connais pas une chose qui soit beaucoup plus détestée auprès d'Allah azza wa jal que le fait de s'instruire en intentionnant une autre chose que la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقد قال الله عز وجل من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلناه جهنم يصلاها مذموما مدحورا. Celui qui veut la vie d'ici-bas, on va lui donner la vie d'ici-bas si on veut. Regardez ces personnes-là qui se détournent de la sincérité d'Allah Azawajal. Ils recherchent la renommée, le salaire auprès d'autres qu'Allah Azawajal, en espérant trouver ce salaire auprès d'autres qu'Allah Azawajal, alors que ce salaire qu'ils sont en train de chercher en dehors d'Allah Azawajal, ils ne pourront l'avoir que si Allah subhanahu wa ta'ala il le veut. Donc à quoi bon se détourner et vouer son attention à un autre qu'Allah Azawajal, alors que ton salaire, quel qu'il soit, voué pour Allah Azawajal ou bien voué pour un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dépend de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci nous montre l'imbécilité, si on peut dire cela, des personnes qui vouent l'adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. À quoi bon chercher une renommée, la réputation auprès d'autres qu'Allah Azawajal, s'il veut, tu auras cette part que tu es en train de rechercher auprès d'autres que lui, ou s'il veut, te la donnera pas. Donc, il y a une voie à l'adoration à Allah Azza wa Jal, c'est mutahattam, c'est une chose qui est vraiment impératif, et dont tu ne trouveras en aucun cas le salaire auprès d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant au livre dans lequel on va, inshallah, étudier ces jours à venir, il est connu par Manzumatu al-Bainquniya. Al-Manzuma, c'est ce qui est appelé comme poésie. Bainquniya s'est attribué à cet imam qui est Na'am Taha ibn Muhammad ibn Fatouh al-Bainquni. Ça, c'est le nom du mu'allif, c'est le nom de l'auteur de cet épître qui est quoi? Manzumatu al-Bainquniya. Il est dit Taha, et certains des savants de l'histoire ont dit que son nom est Omar. À la kulli hal, c'est une personne qui est connue comme étant un savant, parmi les savants de la science du hadith, c'est-à-dire dans les sciences conventionnelles qui sont relatives au hadith. Cette personne-là vient de Dimashq et il a été attribué à l'école Shafi'i, même au niveau du madhhab dans le fiqh, il est connu comme étant un Shafi'i. Et comme on a pu l'évoquer au début de la silsila de Sifat as-Salah, que le fait de s'attribuer et de s'affilier à autre que le Kitab et la Sunna, c'est une bid'a comme l'a jugé l'imam Taqiyuddin al-Maghribi alayhi rahmatullah. Et comme a dit l'imam al-Shawkani alayhi rahmatullah, c'est une chose qui n'a pas été connue ni pendant l'ère de Sahaba, et ni kadhalika, ou plutôt qui a été connue après la venue des quatre imams. Ces quatre imams-là étaient tous unanimes sur le fait d'exhorter à suivre le Kitab et la Sunna, et de jeter leur parole si jamais elle est contraire au Kitab et à la Sunna. Donc en aucun cas ces personnes-là vont appeler à suivre leur idéologie, notamment si jamais cette idéologie-là elle vient contredire le Kitab et la Sunna. Donc comme on a pu le voir, c'est une chose que, comme l'a dit Cheikh Mokbel alayhi rahmatullah, al-madhhabiyya la asla laha. Le fait de s'affiler à un madhhab, à une idéologie parmi les idéologies de ces quatre imams ou autres, c'est une chose qui n'a pas d'origine ni dans le Kitab et ni dans la Sunna. Et le Kitab et la Sunna, il appelle à quoi? Al-i'tisam bi kitabillah comme qala subhanahu wa ta'ala wa'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu. Accrochez-vous et cramponnez-vous à l'anse d'Allah Azza wa Jal, qui est l'islam, qui est le Kitab, qui est la Sunna, et ne vous divisez pas. Et cette chose-là, elle divise. Elle divise, on a pu évoquer des exemples par rapport à cela. On ne connaît pas trop de choses par rapport à l'histoire de cet imam-là, à part qu'il était en vie, en 1669, miladi, avant Jésus-Christ, comme il dit, Et en 1080, pendant les années 1080, il était, yani les gens ont pu limiter sa, son existence autour de ces années-là. Sinon, autour de sa biographie, il n'y a rien qui a été évoqué spécialement, à part qu'il y a un autre livre dans Al-Hadith, dont j'ai oublié le nom, Al-Fath al-Murith, lakin qui est un kitab qui n'est plus présent, plutôt qu'on ne trouve plus. Il n'a plus d'existence, on ne connaît pas d'existence de ce kitab-là, excepté son poème Al-Manzuma al-Bayquniya, Al-Manzumatu al-Bayquniya. Avant de commencer et de rentrer dans l'explication de ce poème, il est bien de faire précéder à la compréhension de ce poème certaines choses qui vont nous aider à mieux se donner une idée de ce que comporte la science qu'on va étudier, qui est al-mustalah, ilmu al-hadith. Car comme c'est ma'ruf fi al-qawa'id, al-hukm al-shay far'un an tasawwurihi. Pour mieux te permettre de te faire une image, ou plutôt une certaine chose, il y a des choses que tu dois faire précéder pour avoir une petite image de ce que est la chose sur laquelle tu veux étudier. Avant de rentrer directement dans le poème sans passer par ces choses-là, qui s'appelle Al-Mabadi al-Ulum, c'est-à-dire 10 choses qui est bon de faire précéder dans l'étude de chaque science, et surtout parmi les sciences qu'on appelle la science Ilm al-Ala, c'est-à-dire les instruments qui vont te permettre de comprendre le kitab et la sunna, qui sont la langue arabe, et surtout la grammaire, et le vocabulaire. L'étude de usul al-fiqh, qui est les fondements de la jurisprudence, et kazalika, ilm al-hadith. Ces choses-là sont appelées ilm al-ala. Il y en a plusieurs, lesquelles ce sont les plus importantes, et celles qui vont te permettre d'être indépendant dans tes jugements, et de comprendre d'une bonne compréhension, inshallah, le kitab et la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Certains des personnes qui s'impliquent dans la science, ils ont pu regrouper ces 10 choses-là qu'on va voir, inshallah, dans un poème, afin de faciliter aux étudiants l'apprentissage de ces choses-là qu'il faut faire précéder dans ces sciences qui sont dites sciences d'instruments. فقالوا إن مبادل كل علم عشرة الحد والموضوع ثم ثمرة ونسبة وفضه والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز شرفا. Dans ce poème là, donc ils ont évoqué les choses que il faut faire précéder à l'étude, surtout des sciences qui sont dit ulum al-ala, qui sont un instrument pour que tu comprennes le kitab et la sunna. Parmi ces choses-là, ils ont dit que avant d'entrer dans un livre, c'est bien que tu saches le nom de la science que tu es en train d'étudier. Kadhalika, la définition de cette science-là. De savoir qui est la première personne qui a réuni cette science-là. De connaître le jugement de l'islam sur l'apprentissage de cette science-là. De savoir le sujet sur lequel, auquel tu tournes cette science-là. Tamam. Et kadhalika, les masa'il, c'est-à-dire les choses qui se rapportent, tamam, les sujets qui se rapportent à cette science-là, et le fruit qui est attendu pour la personne qui étudie cette science-là. Et kadhalika, d'où a été épuisée cette science-là, l'appartenance de cette science aux autres sciences, et fadluhu, le fait, le mérite d'apprendre cette science-là. Donc pour commencer, le nom de la science que nous allons étudier, Inch'Allah, elle est appelée Ilmul Mustalah. J'aurais dû, Inch'Allah, pour la prochaine fois, au préalable, j'écrirai en arabe sur Word et je vous ferai un copier-coller pour ceux qui veulent apprendre les définitions en arabe, quand même, car on va commencer, Inch'Allah, un peu plus à mettre un peu plus d'arabe dans nos cours. Donc ça s'appelle Ilmul Mustalah. Et il est appelé kazalika ilm al-hadith. Tamam? Ilm al-hadith. Ilm al-mustalah, la science des sens conventionnels qui se rapporte à quoi? Au hadith. Ou ulum al-hadith, ma'ruf, yani c'est la science qui se rapporte au hadith. Ça, c'est par rapport à l'ism, le nom de la science qu'on est en train d'étudier. Quant à sa définition, c'est معرفة القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي. C'est la science qui est établie sur des règles qui vont te permettre de connaître l'état des rapporteurs et de ce qu'ils ont rapporté. Donc la science, on la répète, la définition du ilm al-hadith ou bien ilm al-mustalah, la science qu'on est en train d'apprendre, sa définition là, après avoir connu son nom, c'est la science qui est établie sur des règles qui vont te permettre de connaître l'état des rapporteurs et de ce qu'ils ont rapporté. C'est-à-dire que ilm al-hadith, il tourne autour de deux choses. Son étude, elle est basée sur deux choses. Sur l'état des rapporteurs et l'état de ce qu'ils ont rapporté. C'est-à-dire la chaîne de transmission et le texte du hadith. Telle est les choses autour de quoi tourne la connaissance de cette science-là. Donc le premier qui est hal rawi, c'est le fait de connaître, ou plutôt son mawdou, son sujet. Il est relatif à quoi? La chaîne de transmission. Pour connaître l'état d'un rapporteur, il faut retourner à quoi? La chaîne de transmission. La chaîne de transmission qui est appelée, dans la langue arabe, as-sanad, ou bien tu peux l'appeler kadhalika, al-isnad. As-sanadu, ou bien al-isnad. La définition de sanad, la chaîne de transmission en français, c'est hikayatu al-matn. Hikayatu tariq al-matn, comme qala al-hafid ibn Hajar, alayhi rahmatullah, dans son kitab al-Nuzaha. Donc il nous fait part que la définition du sanad, de la chaîne de transmission, c'est le fait de narrer les choses qui t'ont permis d'arriver au texte du hadith. Mathalan, c'est ma'rouf, l'imam al-Bukhari, si jamais tu ouvres son recueil, yani al-Jami' al-Sahih, qui est plus connu par Sahih al-Bukhari, tu vas voir, mathalan, il prend un hadith, il dit « Qala haddathana Abdullah ibn Yusuf, qala haddathana Malik » قال حدثنا نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا. Donc le fait de narrer, de dire, l'imam al-Bukhari a dit, j'ai entendu de Abdullah ibn Yusuf, celui-là qui a entendu de l'imam Malik, l'imam Malik qui a entendu de Nafi', Nafi' qui a entendu de Ibn Umar, Umar qui a entendu du prophète صلى الله عليه وسلم, qui a dit ceci et cela. Donc le fait, l'intermédiaire qui t'a permis d'arriver au texte du hadith, c'est par l'intermédiaire d'avoir narré la manière dont les rapporteurs se sont les uns les autres transmis le hadith. On va le voir, yani c'est par le nom des rapporteurs et kadhalika de la manière dont il leur a été transmis le hadith. Car on va voir, il y a des termes qu'il faut utiliser afin qu'on sache que la personne elle a bien entendu de l'autre. Comme on a pu l'évoquer là, haddathana, il m'a dit, ou plutôt il m'a raconté. Et on va voir qu'il y a d'autres choses. Donc, ceci, la chaîne de transmission, la chaîne de transmission, elle repose sur quoi? Le fait de connaître ces choses-là, c'est-à-dire les rapporteurs et les termes utilisés qui se sont transmis les uns les autres afin d'arriver à la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou bien la parole du compagnon, ou bien de ceux qui les ont suivis, et autres. Amma al-thani, c'est quoi? Comme on a pu le voir, on a dit que al-hadith, ou plutôt la définition du ilm al-hadith, c'est quoi? Ma'rifatu ou al-qawa'id al-mu'arrifah bihal al-rawi wal-marwi. On a vu hal al-rawi, c'est-à-dire l'état du rapporteur. On a pu voir qu'il fallait regarder dans le sanad. On a pu voir que le sanad, c'est les rapporteurs et des termes utilisés, transmis les uns les autres pour arriver au texte. Là, on passe au deuxième élément sur lequel se repose l'étude de cette science-là. C'est quoi? C'est le fait de connaître, ou plutôt l'état des textes. L'état des textes, car certains textes, même si jamais peut-être tu vas les voir d'une chaîne de transmission, comme ils disent les ulama du hadith, mithl shams, qui sont tels à un soleil, lakin tu vas voir que le texte, il est contraire aux valeurs de l'islam. Car l'islam, mathalan, il appelle au tawhid et il repousse le shirk. Il appelle à la sincérité et il repousse le mensonge. Il appelle à d'autres choses qui sont connues parmi les valeurs qui sont unanimes auprès des musulmans. Donc si là tu vois une chaîne de transmission, comme ils disent, Kashams, comme le soleil, dont personne ne peut diverger sur cela, sur l'authenticité de la chaîne de transmission. Là, lorsque tu arrives au texte, tu vois que ce texte-là, il est contraire à la valeur de l'islam. Même si jamais cette chaîne de transmission-là, elle est bonne, tu peux juger directement de ce hadith-là, quoi, qu'il est faible et qu'il est rejeté et qu'il n'est pas de l'islam, car l'islam n'appelle pas, mathalan, si jamais on trouve un hadith qui exhorte à mentir, ou un hadith qui exhorte, yani, a'udhu billah, au shirk, et à la bid'a et autre chose. Tu peux juger, même si la chaîne de transmission elle est telle qu'un soleil, que ce hadith-là, il est faux, car le texte il est contraire aux valeurs de l'islam. Donc ces petites fawaïd, yani, ça va vous servir pour la suite. Tamam. Ça va vous servir, inshallah, pour la suite, si jamais il y a des kitabs, yani, qui s'ouvrent, yani, dans la science du hadith. Et kadalika, il est bon de souligner, après qu'on a évoqué que la science du hadith, elle repose, elle est établie sur des règles te permettant de connaître l'état des rapporteurs et de ce qui a été rapporté, il est bon de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, de le louer de ce grand bienfait qui nous a fait par la préservation de son dîn par des chaînes de transmission. Car la chaîne de transmission, c'est une khissiyya, c'est une particularité, car Allah subhanahu wa ta'ala a fait faveur à cette communauté en dehors des autres communautés. Demande aux Yahoud ou bien aux Nasara, lorsque ils racontent les récits de leurs compagnons, demande-leur la chaîne de transmission ou bien les preuves qui nous prouvent que cet apôtre ou bien cette personne-là qui sont en train de narrer de lui le hadith ou bien une parole, que cette parole-là, elle est vraiment attribuée à cette personne-là. Il va te dire, Jean a dit ou bien un tel a dit. Tu lui demandes, mais toi, est-ce que tu as rencontré Jean? Non, tu ne l'as pas rencontré. Donc comment tu peux savoir que cette personne-là, Yanni, véritablement, elle a dit cette parole-là? Ils n'ont aucune possibilité de pouvoir te répondre, car leur dîn, il est dépourvu de toute chaîne de transmission pouvant affirmer la réalité et la véracité de leurs propos. Au différent de cette umma dont Allah subhanahu wa ta'ala a préservé, comme il a dit, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. C'est nous qui avons fait descendu le rappel et c'est nous qui en sommes les gardiens, si on peut dire cela. C'est nous qui le préservons. Et parmi les choses qu'Allah Azza wa Jalla, il a préservé ce dîn, c'est par quoi? Par les chaînes de transmission par lesquelles la personne peut vérifier l'authenticité et la véracité des dires des imams de ce dîn, et qu'à les cas celle du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Certains des ulama, comme l'imam al-Nawawi, on va évoquer quelques paroles qui nous prouvent la valeur et la vertu de la chaîne de transmission. Ils ont dit al-isnad silahul mu'min. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سِلَاحْ فَبِأَيِّ شَيْءٍ يُقَاتِلُ. L'imam al-Nawawi, ou plutôt l'imam al-Thawri, alayhi rahmatullah, qui était l'imam de son époque, il a dit al-isnad, la chaîne de transmission, c'est l'arme du croyant. Si jamais ce croyant-là, il n'a pas d'arme, avec quelle chose il va pouvoir combattre? Na'am. Avec quelle chose tu vas pouvoir combattre les ambiguïtés des gens de l'innovation, si jamais tu n'as pas des chaînes de transmission pouvant, na'am, affirmer tes dires et pour rien repousser les ambiguïtés de ces personnes-là. Donc le combat qui évolue, c'est le combat, si on peut dire ça, virtuel, c'est-à-dire de repousser les choubouhats et les ambiguïtés qui sont mis dans le din avec, ou plutôt en affirmant cela par des réalités qui passent par une chaîne de transmission qui appuie ce que tu dis. Et kadaika, l'imam Ibn Mubarak, rahimahullah ta'ala, nous dit, laoula sanad, laqala man sha ma sha. Si jamais Allah Azza wa Jal, il n'aurait pas fait la faveur à cette communauté de placer dans leur communauté cette chaîne de transmission, la porte aurait été ouverte à n'importe qui de dire n'importe quoi. Naam, car quelle est la chose qui va te différencier de toi et de celui qui ment, ne serait-ce que quoi? La chaîne de transmission. S'il dit, moi j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ceci, cela. Vous avez, ni toi ni lui, vous avez une chaîne de transmission. Comment on peut savoir qui a de la vérité entre toi et lui, excepté si jamais, on va le voir, sammoulana rijalakum. Nommez-nous vos gens et les personnes qui sont présentes dans vos chaînes de transmission afin qu'on voie la science, plutôt on voit les hadiths des gens de la sunna et qu'on prenne leurs hadiths et qu'on puisse départager les hadiths des gens de la bid'a et on délaisse le hadith comme l'a dit l'imam Ibn Sirin alayhi rahmatullah. Quant à l'istimdad, c'est-à-dire d'où a été épuisée cette science-là, elle est épuisée du kitab de la sunna et kadhalika des livres de biographie et de la science des défauts des hadiths et celle des rijal. Car yani le kitab, il exhorte à ce que la personne soit bien sûre de ce qu'il dit. Kama qala Allah subhanahu wa ta'ala, iza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Lorsqu'une personne yani qui n'est pas d'équité vient avec un propos, yani assurez-vous que ce propos-là, il est bien juste. Donc comme l'a dit l'imam, si mes souvenirs sont bons, l'imam As-Sa'di alayhi rahmatullah, dans ce hadith-là, dans l'explication de l'explication de cette ayah, il nous dit que dans l'explication inverse de ce verset-là, si jamais la personne est une personne qualifiée d'une bonne mémorisation et d'un et d'équité, donc on n'a pas besoin de s'assurer et on prend le hadith directement. Donc ça c'est une qaïda parmi la qawaïd, une règle parmi les règles sur lesquelles s'est établie même la science du hadith et kazalika de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam et kazalika comme on a pu le voir la science de, qui est relative à l'histoire et à l'akhirah. Al-wadih, c'est-à-dire la personne qui a la première personne qui a compilé cette science-là, la science du hadith, il est plus connu comme étant Al-Hassan ibn Khalad Aram Hurmazi. Aram Hurmazi, son nom est un peu difficile à prononcer. Un des alims parmi les ulama qui est mort en 360 de l'Égypte. Tam Abu Muhammad Al-Hassan ibn Khalad Aram Hurmazi. C'est la personne qui a été connue parmi les premières personnes à avoir compilé la science du hadith comme compilation. Sinon, il y a ni certains termes et sens conventionnels. Ils étaient présents dans les kitab, comme c'est Tirmidhi, Tam Tirmidhi, Tam c'est Ma'rouf. Dans son kitab, il a évoqué Al-Sahih. Il a évoqué Kazalika, Al-Hassan Sahih. Ou il a évoqué Al-Sahih Al-Gayrihi, Il-Akhirihi. Il a évoqué des choses Hassan Al-Gharib, Sahih Al-Gharib, Il-Akhirihi. Il a évoqué des termes qui sont conventionnels à la science du hadith. Lakin, comme première personne qui a compilé la science du hadith comme compilation, c'est connu que cette personne-là, la première personne, c'est Abu Muhammad Al-Hassan Al-Khalad Aram Al-Hurmazi Ali Ar-Rahmatullah. Kazalika, l'imam Al-Bukhari et l'imam Muslim dans leur recueil, ils ont des petites, ils font des fois, des petits ishara, qui nous montrent que cette science-là, elle était connue auprès de eux, laquelle personne n'avait encore compilé comme compilation. Quant au sujet de la science du hadith, il tourne autour de des paroles du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, de ses actes, de ses approbations, et kazalika, de celles de ses compagnons et des tabi'in. Ça tourne autour de cela, de cette science-là. Quant au masail, c'est-à-dire le sujet de cette science-là, qu'est-ce qui est voulu par cette science-là? C'est de connaître le faux du vrai. De faux de vrai, du vrai, parmi les choses qui ont été attribuées au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou ses compagnons, ou bien at-tabi'in. Donc ceci nous provient l'importance de cette science-là, car elle te permet de connaître les choses qui sont attribuées réellement au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons, et ceux qui les ont suivis dans le bien. Quant au jugement de l'islam, quant à l'apprentissage de ces sciences-là, il fait partie des obligations selon la suffisance. Des obligations selon la suffisance. Et cela, c'est d'une manière générale. C'est une manière générale. Amma la personne, c'est-à-dire année, c'est comme un peu la djenaza. C'est-à-dire, à partir du moment qu'un groupe de la communauté s'est chargé de l'apprentissage de cette science-là et de la mettre en application et de la propager dans la communauté, l'obligation n'est plus adressée à d'autres personnes de la communauté. Amma celui qui veut atteindre le degré de l'indépendance dans ses jugements, de prendre de lui-même de ses jugements, d'avoir le statut d'un mufti ou bien d'une personne qui est indépendante dans ses jugements, il doit de passer par cette science-là qui est la science du hadith, car comment il peut être indépendant, comment il peut juger si jamais il dépend dans ses jugements d'une autre personne dans la science du hadith, comme c'est le cas Yannick, que tu vois beaucoup de jurisconsultes, ils dépendent de la science de l'imam Al-Albani alayhi rahmatullah pour pouvoir poser leur jugement. Ces personnes-là ne sont pas des personnes d'une indépendance totale dans la science, car ils dépendent d'un autre que eux pour pouvoir réellement établir des jugements dans leur religion, pour pouvoir établir des jugements dans la religion. Et c'est ma'rouf, ces personnes-là, est-ce que si jamais on leur dit, tu es sûr que ce hadith-là, il a été authentifié du prophète alayhi salatu wasalam, certaines des personnes-là, ils vont te dire, j'ai peu de science de ce hadith-là, lakin, je vois que ce savant-là est une personne qui s'est vraiment dévouée dans cette science-là, donc je préfère m'appuyer sur ces jugements-là et la khiri. Donc cette personne-là n'est pas un alim, n'est pas vraiment un alim, et comme l'ont dit les imams, et ça c'est muttafaqan alayhi, ils sont tous unanimes, que le fait que celui qui suit aveuglément ne fait pas partie des gens de la science. Comme a dit l'imam Ibn Abd al-Barr dans son kitab Jami' Bayan al-'Ilm wa Fadlihi, que celui qui est muqallid, celui qui suit aveuglément, n'est pas dénombré des gens de la science. Donc ceci nous prouve bien l'importance de ces sciences-là, car par ces sciences-là, tu peux atteindre le degré de l'indépendance dans tes jugements. Quant au fruit de cette science-là, c'est comme on a pu l'évoquer dans la préface, par ces sciences-là, Allah Azza wa Jal, il a préserver tamam, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Amma le Coran, il n'a pas besoin de chaîne de transmission. Tamam, c'est les, la communauté musulmane, musulmane, ils sont tous unanimes que le Coran est une parole qui est attribuée à Allah Azza wa Jal. Amma les hadith, c'est une autre chose. On va voir certains des hadith, c'est une autre chose. Car certains des hadith, il te faut te plonger dans, regarder dans la chaîne de transmission afin de savoir est-ce que véritablement ce hadith-là, il a été authentifié du prophète, au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça te permet de purifier et d'écarter les choses qui ne font pas partie de la sunna et d'attribuer les choses qui font partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et ça, ça fait partie du jihad fi sabilillah comme a qala l'imam Ibn Ma'in. Et l'imam Ibn Ma'in, alayhi rahmatullah, l'imam du Dahwa Ta'dil, qui a dit الذب عن السنة جهاد في سبيل الله بل قال أفضل الجهاد. Il dit le fait de repousser les choses qui ne font pas partie de la sunna, ça fait partie des meilleurs jihad dans le sentier d'Allah Azza wa Jal. Donc ça lui permet de connaître le vrai du faux du hadith. Parmi kadhalika, le fruit qui en découle de cette noble science, c'est que cette science-là rajoute à la personne de science de la, du wara. C'est le fait de, d'avoir de la piété dans ses jugements et avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'avoir peur de, d'avoir de léser dans les jugements du, qui sont relatifs aux chaînes de transmission. Car le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, il a certes menacé les personnes qui lui attribuent une parole que Nabi sallam il a jamais dit. Comme a dit sallallahu alayhi wa sallam, man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Celui qui ment sur moi volontairement, qui se prépare une place en enfer. Donc la personne, lorsqu'elle rentre dans cette science qui est la science du hadith, ça va lui rajouter de la peur d'attribuer au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ça va lui donner le fait qu'il soit beaucoup plus méticuleux dans ses jugements et ne pas s'empresser dans ses jugements car il sait que par cela, il s'expose peut-être à quoi ? À la menace du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire de lui attribuer une chose que le prophète alayhi wa sallam, il a jamais dit. Donc ça va lui rajouter de la peur et de la taqwa pour Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on a pu le voir, kadhalika, parmi les fruits de cette science-là, c'est qu'elle va te, rendre distant du suivi aveugle, notamment dans tes jugements. Tu ne seras pas dépendant de certains ulama pour savoir l'authenticité de cette chaîne de transmission de ce hadith-là. Lakin, tu auras la capacité de pouvoir toi-même te faire une opinion ou bien de savoir yani, de quelle manière ce alim-là il a déduit son opinion, que ce soit l'authenticité ou bien que le hadith il est daïf, d'un hadith un tel ou un tel. Quant à l'appartenance de cette science-là aux autres sciences, toutes les sciences, parmi les sciences du din, elles reposent sur l'apprentissage de l'ilm al-hadith. Car le Coran qui est la base de toutes les sciences, tu peux le comprendre le Coran par le Coran, ou bien tu peux comprendre le Coran par le hadith. Ou bien le Coran par le son du prophète sallam, je veux dire par là, le Coran par la parole des compagnons et le Coran par la langue arabe. Comment la personne peut aboutir à une bonne compréhension dans le tafsir du Coran par le hadith si jamais il ignore les connaissances qui vont lui permettre de connaître l'authenticité de la parole du prophète sallam qui est en train d'expliquer une ayah parmi les ayahs du Coran. Il ne pourra pas car il est dépendant de l'apprentissage de ces sciences-là. Qu'est-ce qu'a la personne de la jurisprudence ? Comment il peut établir un jugement ? Est-ce que cette chose-là, elle est obligée ? Est-ce que cette chose-là, elle est mustahab ? Est-ce que cette chose-là, elle est makruha ? Tamam, elle est détestable ? Si jamais il ignore, qu'est-ce qu'a cette science-là ? Et qu'est-ce qu'a barakallahu fikum, usul fiqh ? Usul fiqh, cette science-là, il y en a parmi les bases, de les fondements de la jurisprudence, parmi ces choses-là, parmi ces bases-là, le fait de connaître ilm al-hadith. Car le fiqh, comme on a pu le voir à l'instant, il repose sur la compréhension de quoi ? Parce que la plupart des sujets, comme on a pu voir dans Sifat as-Salah, la plupart, ils reposent sur quoi ? Sur la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais non le Coran. Donc tu dois connaître kadhalika barakallahu fikum, et en effet, cette science-là, elle est dépendante. Tamam ? Et kadhalika, la langue arabe, l'uratul arabiya, certains moments, lorsque tu veux savoir, est-ce que ce vocabulaire-là, il était présent à l'époque dans laquelle les ulama ils ont considéré que la langue arabe elle était pure, elle n'a pas été mélangée à la langue des non-arabes. Donc il y a une certaine époque à partir de laquelle le vocabulaire de la langue arabe c'est un argument. Et à partir d'une époque, la langue arabe, ou plutôt les vocabulaires que tu vas trouver, c'est plus un argument que tu peux imposer à autre personne, yani, dans la langue arabe. Car dans les cas, des fois, tu vas voir que ces poèmes-là, il repose sur une chaîne de transmission. Cette chaîne de transmission-là, tu es dépendant de connaître les règles qui sont relatives à la science du hadith afin de savoir est-ce que ce vocabulaire-là, il est bien compris dans la langue arabe ou pas. Et pour finir, inshallah, le mérite de cette science-là, كما قال العلماء كفى بهذا العلم شرفا, il suffit comme honneur d'étudier ces sciences-là, de savoir que les gens de ce hadith-là sont الطائفة منصورة, sont le groupe secouru, كما قال الإمام أحمد عليه رحمة الله, dans le hadith, لا يزال طائفة من أمتي على حق ظاهرين ليضرهم من خاذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله. Donc une partie de ma communauté ne cessera d'être sur la vérité et en rien vont les nuire le fait que certaines personnes les abandonnent et d'autres se contredisent à leur voix jusqu'à ce que vienne l'heure. Et l'imam Muhammad rahimahullah ta'ala l'a dit, ces gens-là sont les gens du hadith, je ne vois pas d'autres que eux qui peuvent être ce groupe secouru, car na'am, ce sont eux qui ont les meilleures bases dans la science, plutôt il y en a dans la science, il y en a de manière générale, comme l'a évoqué l'imam Al-Albani alayhi rahmatullah, si vous vous rappelez dans l'épître de Sifat al-Salah, il avait dit que le meilleur des madhhab, c'est le madhhab de les gens du hadith, car eux, ils se sont affiliés à quoi? Le fait de ne pas être contradictoires dans leur jugement, car ils se sont basés sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le Coran, qui sont dépourvus de toute contradiction. Et le fait de s'affilier à une idéologie ou bien une compréhension qui est autre le kitab et la sunna, comme les idéologies et les points de vue de certains ulama, et ben ça peut t'amener à certaines des contradictions qui maqala subhanahu wa ta'ala wa law kana min 'indi ghayri Allah la wajadu fihi ikhtilafan katira. Et si son Coran là aurait été révélé par un autre qu'Allah azza wa jalla, ils auraient trouvé dedans quoi de nombreuses contradictions. Wa kama qala nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa hadith qudsi innakum tukhti'una fil layli wa an-nahar wa ana aghfiru dhunubakum jami'an kama fil hadith yani. Donc yani on fait des erreurs jour et nuit comme l'a dit Allah azza wa jalla dans ce hadith qudsi. Kadhalika parmi les fruits et plutôt parmi la faveur de cette science-là, c'est que ces gens-là sont les personnes qui prient le plus sur le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Wa qad qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam man salla alayya marra sallallahu alayhi biha 10. Celui qui prie sur moi, Allah subhanahu wa ta'ala priera sur lui 10 fois. Donc le fait d'étudier cette science-là qui est relative à la parole, aux gestes, aux approbations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça va t'amener à chaque fois que le nom du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam est évoqué, tu vas dire quoi? Sallallahu alayhi wa sallam. Et kadhalika, ce sont les personnes qui font plus la dua sur quoi? Les sahaba, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée. À chaque fois qu'un compagnon passe et qu'il est évoqué, ils disent radiyallahu an, radiyallahu anha, radiyallahu anhum, radiyallahu anhuma. Et à chaque fois qu'un compagnon l'est évoqué, donc ils font cette dua pour ce compagnon-là. Et kathalika pour les tabi'in, ils disent alayhi rahmatullah, parce qu'ils évoquent l'imam Ahmad al-Shafi'i al-Akhiri, à chaque fois tu les vois faire demander la miséricorde pour ces gens-là. Et ça, yani, comme c'est venu dans le hadith, man da'a li akhi fi dhahr al-khair qala al-malak amin wa laka bimithlih. Celui qui fait une dua pour son frère, en discrétion, et le malak, un des gens, je dirais amin. C'est-à-dire, il va demander que cette dua-là soit exaucée pour cette personne-là, et dit wala kamith, et de même pour toi. Donc, en espérant que kadhalika, ces gens-là profitent de la dua qu'ils font à ces personnes-là. Comme ma'aruf, kadhalika, ce sont yani hamalat al-din, c'est ceux qui ont transmis la science, et c'est ceux qui ils sont une cause parmi les causes que cette science-là elle a été quoi? Protégée de toute contradiction, de toute chose yani, qui l'ont alternée. Donc, ça, yani, c'était pour une petite préface. Afin de se faire une petite image de la science, plutôt du livre dans lequel on va étudier. Et ce poème-là, ce n'est pas un livre qui va te permettre de pouvoir juger de l'authenticité des hadiths, mais de connaître les sens conventionnels, comme on a pu le voir dans le dernier cours de Sifat al-Salah, les sens conventionnels qui sont relatifs aux hadiths. Lorsque ce sera évoqué, les sens conventionnels du hadith, tu sauras quels sens ils comportent. Donc, ce kitab-là, ce n'est pas pour juger après dans les hadiths, savoir si jamais il est faible ou pas, ou bien devenir quelqu'un qui a une science dans al-jahm wa ta'dil, l'akhirihi, lakin, pour connaître les sens conventionnels, afin de pouvoir, comme on a pu le voir, que l'étude de la jurisprudence soit beaucoup plus simple. Donc, Inch'Allah, on va se contenter de cela. S'il y a des questions qui sont relatives, Inch'Allah, ou sinon, on se contente de cela. Donc, Inch'Allah, comme à notre habitude, s'il n'y a pas de main levée, Donc, Inch'Allah, on se contente de cela. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الدرس نافع لنا ولكم في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وفيكم بارك الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك مع تحية دماج.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء ثعابين